Section 101 de La Lecture, tome 7e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La Lecture, tome 7e, section 101. Les origines et le plan de l'exposition, par Charles Hiriart. Qui eut le premier l'idée de l'exposition du centenaire? Personne et tout le monde, répondait le 18 octobre 1886 dans un discours aux membres des comités d'administration, M. Dautrême, un des ministres du commerce qui se sont succédé au pouvoir. Cela revient à dire que l'idée était dans l'air et le projet dans l'ordre et la logique des choses. Si, en effet, on rapproche les dates des expositions précédentes, 1855, 1867, 1878, on constate qu'une période de 11 années les sépare les unes des autres. La date de 1889 était donc une échéance indiquée et la témérité du projet semble dès lors moins grande. Il y eut cependant des précurseurs, un groupe d'hommes distingués, d'opinions nettement républicaines, des industriels et des députés. Le Petit Journal, dès le mois de mai 1883, consacrait une causerie à ce sujet et le 3 juin suivant, on lisait cet entrefilet dans quelques journaux. Messieurs Hervé Mangon, Liouville, Million, etc., ont eu un entretien avec M. Hérisson, ministre du Commerce, à propos d'un projet relatif à l'installation d'une exposition nationale qui serait ouverte à Paris en 1885. Le ministre s'est déclaré partisan de ce projet. Ça n'était pas encore 1889 et il ne s'agissait que d'une exposition nationale. Le Petit Journal, lui, avait émis l'idée de fêter le centenaire de 1789 et sa proposition comportait deux termes, une exposition universelle et l'inauguration du grand monument à la mémoire de Mirabeau. Le 8 août, Thomas Grimm, dans son courrier, voyant les progrès que faisait l'idée, s'exprimait en ces termes. Lorsqu'une idée est juste, elle flotte, vague et indécise, dans les esprits avant d'avoir été formulée. Dès qu'elle est émise, même incidemment, elle s'impose. C'est ce qui se produit pour une proposition que je croyais prématurée, relative à la célébration en 1889 du centenaire de la Révolution française. 6 années nous séparent du mois de mai 1889. Il me semblait qu'à une époque où tout marche à la vapeur et marchera bientôt à l'électricité, 6 années sont un laps de temps énorme. Il paraît que je me trompe. J'ai eu des conversations avec des hommes compétents. Ils croient qu'il est temps de se préparer. Entrons donc dans quelques explications. Bientôt, M. Antonin Proust, qui voyait dans l'exposition un vaste champ à son activité, à ses facultés et à ses tendances, semblait appelé à jouer un rôle prépondérant dans l'organisation et, dans un banquet industriel auquel assistaient des hommes politiques, il donnait de l'exposition future, qui n'était même pas encore décrétée, une définition heureuse que nous nous approprierons. La période d'incubation devait durer depuis juin 1883 jusqu'au mois de mars 1884, lorsqu'on agitait la question, on ne se préoccupait encore que d'une exposition nationale. C'est un grand point. Nous restions en famille. Nous supprimions la gêne et l'inquiétude d'être mal accueillis par les grandes puissances en raison de la date choisie, inquiétude qui fit si longtemps différer la déclaration officielle de l'exposition et l'envoi formel des invitations aux nations de l'Europe. Dans ces conditions restreintes, le résultat ambitionné et poursuivi était en somme à peu près le même, puisqu'en fixant un terme de 4 années pendant lesquelles nous assurions matériellement la paix à l'intérieur, nous nous interdisions aussi de prendre part à tout conflit qui aurait éclaté à l'extérieur et, en garantissant l'ordre, nous donnions une preuve éclatante de nos sentiments pacifiques. C'était beaucoup déjà. L'ambition fut plus grande et le ministère qui était aux affaires en 1884, M. Jules Ferry était président du Conseil, crut que si on donnait à la manifestation un caractère international, on imposerait la paix non seulement à la France, mais au monde tout entier, puisque la grande agitatrice des nations, la France de 1789, ne voyait dans la date du centenaire qu'une occasion de manifestation pacifique et progressive. Ce fut M. Rouvier qui fut appelé à signer en novembre 1884 l'arrêté qui nommait la commission d'études. L'exposition était déclarée universelle et internationale. Le président de cette commission a ainsi défini le caractère de la manifestation. L'exposition de 1889 aura le caractère d'une exposition centennale, résumant ce que la liberté du travail, inaugurée en 1789, date économique en même temps que date politique, a produit de progrès au cours du siècle qui vient de s'écouler. C'est à cet examen de la situation économique universelle que sont conviées toutes les nations. Les ennemis de la forme du gouvernement accueillirent les arrêtés ministériels avec un sourire, déclarèrent les républicains infatués, imprudents et dénués de bon sens, puisqu'ils mettaient à la base même de leur déclaration une clause rédhibitoire pour toutes les nations monarchiques, en les conviant à célébrer à Paris, au Champ de Mars, le centenaire de la Révolution de 1789, considéré par eux-mêmes comme le prologue de 1793. La bonne foi n'était pas évidente, car, après tout, sauf la Russie, tous les gouvernements de l'Europe vivent sous le régime politique inauguré par la convocation des États généraux en 1789 et, logiquement, en se tenant au pied de la lettre de la date et de l'esprit de la définition donnée par le gouvernement même, il n'y avait pour l'Europe nulle incompatibilité et nulle inconséquence à célébrer cet anniversaire. Aussi, les puissances qui nous sont le moins sympathiques, prêtèrent-elles l'oreille à la déclaration ministérielle et elles se mirent à examiner la question sans trop de parti pris ni de répugnance. La France républicaine, toujours agitée, mais qui, en somme, n'a pas vu une seule fois l'ordre troublé dans les rues depuis 1871, veut donc, se dirent-elles, s'éterniser dans sa forme, s'affirmer encore une fois après 1878 et fêter par une exposition universelle l'anniversaire du grand mouvement politique dont elle a été l'initiatrice. Mais une exposition en France à 4 années d'échéance, c'est la paix assurée au moins pour 4 années, ou tout au moins, c'est un armistice. Alors le gouvernement est donc fort? Il est donc sûr de son lendemain? La Ligue des Patriotes désarme donc? Voudrait-on sincèrement inaugurer une période de résignation, de sécurité et de paix universelle? Regardons de près, car ces républicains qui gouvernent le pays de France sont relativement modérés, après tout. Leurs révolutions intérieures les regardent seules. Leurs armées, sur 2 points du globe, sont engagées. Ils ont trouvé là un souci pesant, en même temps qu'une expansion nécessaire à une nation belliqueuse encore. 4 années, par le temps qui court, c'est une étape. Les esprits se calmeront, c'est une période de sécurité forcée, et puisque nous voulons tous la paix, soyons attentifs et soyons conciliants. On allait peut-être s'entendre, mais sur ces entrefaites, entre la déclaration de novembre 1884 et avril 1885, le 30 mars, le ministère Ferry est précipité par suite de l'échec de Langson. L'orientation change et les dispositions de l'Europe à l'égard de l'exposition, qu'on n'a pas d'ailleurs encore pressenties officiellement, changent aussi. Déjà, dans les conversations officieuses d'ambassadeurs à chefs de cabinet, le langage est tout autre et on regrette généralement que l'exposition n'ait pas gardé un caractère d'enquête économique internationale coïncidant avec la date d'un anniversaire politique, parce qu'en somme, une définition ne vaut guère que par celui qui l'a fait. Et en réalité, on devait, par des à-coups successifs, des changements répétés, par des élections nouvelles et une accentuation de la politique intérieure, jeter dans la perplexité les gouvernements étrangers qui, résolus à mourir dans l'impénitence monarchique, se demandaient s'ils seraient reçus au seuil du Champ de Mars en 1889 par le Conseil municipal de Paris ou par les représentants d'un gouvernement fermement républicain, sans doute, mais républicain modéré. Tout fut donc remis en question. On attendait le résultat des élections pour reprendre le projet et les gouvernements étrangers attendaient aussi. Le cabinet Freycinet succéda au cabinet Brisson qui avait fait le silence sur la question et M. Lecroy, le premier élu de Paris, appelé au ministère du Commerce, par conséquent commissaire général de l'exposition universelle, sentant qu'il y avait là un grand devoir et une grande mission, précipita le dénouement en demandant aux chambres qu'ils l'accordèrent, après une trop courte discussion qui aurait dû éclaircir bien des points, le crédit nécessaire aux travaux de l'exposition. Il ne restait plus qu'à s'assurer le concours des nations. Nous avons assisté à la période de gestation, montré les tâtonnements, constaté les incidents qui ont entravé le projet. Arrivons à la période de réalisation, qui date du 3 avril 1886. Ce n'est pas que le ministère de M. Locroy, plus que tout autre, ait été durable, mais il a agi, légiféré, décrété et mis l'affaire en mouvement. On avait parlé d'abord de confier l'exposition à l'initiative privée et d'en désintéresser le gouvernement. C'était compter beaucoup sur cette initiative en des temps aussi précaires. C'était aussi ouvrir un champ large à la spéculation. On résolut donc de laisser la responsabilité de l'entreprise à l'État, comme en 1878, mais afin d'éviter des mécomptes devenus fameux, d'adopter le système mixte de l'organisation par l'État avec le concours d'une société de garantie. Ce système avait déjà fonctionné en 1867 et on avait alors réalisé 3 millions de bénéfices, tandis qu'en 1878, le déficit avait atteint la somme de 21 millions. L'État, à la tête de l'exposition, s'était donné à l'entreprise la sécurité que celui-ci seul peut garantir. Le concours de tous par le versement d'un fonds de garantie, c'était la responsabilité pour chaque souscripteur devenu client intéressé. On recueillait ainsi les avantages des deux systèmes. La commission d'études avait pris pour base le chiffre des dépenses de 1878 qui s'élevait à 53 millions. Mais comme elle considérait que le Trocadéro avait entraîné à lui seul une dépense de 13 millions, elle allait fixer pour les dépenses de 1889 la somme totale de 43 millions. Il n'est que juste de dire que cette fois, on allait occuper un espace beaucoup plus considérable et en particulier créer une annexe nouvelle très importante, celle de l'esplanade des Invalides. Les chiffres ici ont de l'intérêt. En 1855, on avait couvert 116 000 mètres. En 1867, on en couvrait 163 000, 289 000 en 1878 et enfin 291 000 en 1889. Le devis des 43 millions votés se divisait ainsi. Construction, aménagement, service central, 36 185 000. Bâtiment spécial à l'agriculture, 2 600 000. Organisation de l'exposition de peinture, sculpture et de la nef pour la distribution des récompenses, 1 215 000. Fonds réservés pour l'imprévu, 3 millions. Ajoutons immédiatement que le ministre d'alors, d'accord en cela avec le gouvernement, imposait aux constructeurs de prélever sur les 43 millions une subvention à donner à M. Eiffel, qui avait présenté directement à l'autorité compétente un projet d'élévation d'une tour de 300 mètres de hauteur. Comment ferait-on face à cette dépense de 43 millions? L'État allait voter une subvention de 17 millions, la ville donnerait 8 millions, la société de garantie à former apporterait 18 millions. En vertu de la convention signée, l'État gardait la haute main sur l'organisation, la direction et l'exécution. La ville, naturellement, aurait des moyens de contrôle quant aux représentants de fonds de garantie. Ils pourraient à toute heure, par leur présence dans le comité de contrôle financier, suivre leurs capitaux. D'où venait ce fonds de garantie et quelle compensation trouveraient ces généreux souscripteurs qui allaient ainsi apporter à l'œuvre un capital supérieur à celui qu'engageait l'État? Ce capital représentait les grands établissements financiers, les grandes compagnies de chemin de fer qui ont souscrit chacune 500 000 francs, les hautes personnalités de la société française ralliées et celles de la finance en leur privé, en outre des milliers de souscripteurs bénévoles, des patriotes convaincus, des financiers, des employés, des ouvriers même, qui s'étaient syndiqués pour arriver à souscrire des petites coupures inférieures à 1 000 francs. Le Bon Marché et le Louvre ont souscrit chacun pour 500 000 francs. Comme compensation à leur effort et à leur générosité, l'État abandonne les recettes de l'exposition à la société, mais celle-ci renoncera à ses bénéfices une fois ses capitaux remboursés. Ce fonds de garantie de 18 millions de recettes fermes souscrit en 5 mois, sans aucune publicité et en famille pour ainsi dire, s'éleva à 22 millions. La souscription n'a pas été fermée officiellement. Si on se demande comment l'État lui-même encore qu'il ait un devoir de protection et de patronage effectif, en d'aussi solennelles circonstances, pouvait se récupérer, on peut répondre qu'il allait créer, par ce fait même du concours énorme des citoyens et des peuples, un mouvement compensateur et une surproduction de l'impôt public évidente. Quant à la ville, c'est encore elle qui faisait, sinon la meilleure affaire, du moins la spéculation la moins hasardeuse. En effet, d'ores et déjà, rien que par les entrées payées par les matériaux à mettre en œuvre aux barrières de Paris, l'octroi, qui se montre peut-être dans cette circonstance trop intéressé en imposant à ses matériaux les pleins tarifs, allait amener un accroissement de recettes très considérable et devait, par la suite, recevoir de toutes mains, encore que les produits exposés échappassent à ses perceptions. Ce n'est pas tout. Certains précédents que la statistique a registrés n'étaient point pour décourager les bienveillants souscripteurs du fonds de garantie. En 1867, l'État avait donné une subvention de 6 millions à l'exposition. La ville avait apporté la même somme, une société de garantie avait souscrit un fonds de 6 millions et, dans de telles conditions, le résultat pour chacun de ceux qui avaient versé avait représenté un bénéfice de 20 à 25% de la part de souscription. Ajoutons que chaque sociétaire du capital de garantie avait versé 20 francs par part de 1000 francs, tandis que cette fois, à l'heure actuelle, chacun a dû verser 50 francs par 1000 francs. Une commission de contrôle et de finances nommée par l'État, composée d'autant de membres qu'il y a de millions engagés dans l'œuvre, c'est-à-dire au nombre de 43 membres, allait représenter les intérêts des trois grands souscripteurs, l'État, la ville et le public. Conséquente avec le but à atteindre et les intérêts à sauvegarder, cette commission aurait le droit de fixer le taux des entrées et recettes de toute nature dans l'exposition. Pour le fonds de garantie, les 43 membres étaient tous des hommes ayant de la surface ou de haute capacité financière. Au premier rang, un homme sympathique entre tous, le président des conseils d'administration de la Compagnie des chemins de fer de l'Ouest et de la Société Générale, M. Henri Blount, la bienveillance constante et la courtoisie parfaite. Des financiers éprouvés, les Chabrières Arlès, les Caen d'Anvers, les Germains, M. Hart, légitimement appelé comme syndic de la Compagnie des agents de change, M. Hench, président du conseil d'administration du comptoir d'escompte, Messieurs Mallet, Perrer, qui représentent de si hauts intérêts, M. Sienkiewicz, une spécialité éprouvée du chiffre et des combinaisons financières, directeur de la banque d'escompte, M. Bixio, un nom deux fois populaire en France et en Italie, M. Albert Christophe, M. Claire, M. Cobier, M. Dientz-Monin, M. Leguet, M. Griellet, M. Marioni, etc. L'argent prêt, il fallait agir. Avant d'agir, on conçoit. Quelle avait été la conception résultant des travaux de la commission d'études ? La commission s'était inspirée des doctrines de l'école de Le Play qui, véritablement, à une époque où les statuts sont prodigués à qui mériterait à peine un médaillon, devrait, à bon droit, avoir au moins son buste en bronze impérissable. La philosophie de la conception s'inspire ici de l'ordre naturel des choses. L'homme dans la nature a trois instincts primordiaux et cherche à les satisfaire. Il veut manger pour vivre, s'habiller, s'abriter. Puis il se délectera et plus tard, à la période de civilisation, de développement successif et de progrès, il tendra vers l'idéal. De là, les trois grandes divisions de l'exposition. L'agriculture, nourrice de l'homme, sa ressource première et sa dernière ressource. L'industrie, qui répond à la fois aux trois besoins primordiaux et fournira l'aliment, le vêtement et l'habitation. Les beaux-arts, expression de la tendance vers l'idéal. De là aussi une division de tout l'ensemble de l'exposition en 9 groupes dans lesquels on fera rentrer toutes les spécialités qui s'y rapportent. En premier, les œuvres d'art, en second, l'éducation et l'enseignement, en troisième, le mobilier et ses accessoires, en quatrième, les tissus, en cinquième, les industries extractives, mines, forêts, produits chimiques, après, cuir, peau, teinture, impression, en sixième, outillage et procédés des industries métalliques, électricité, transport, carrosserie, charronnage, matériel des chemins de fer. En septième, produits alimentaires. En huitième, l'agriculture, la viticulture, la pisciculture. En neuvième, l'horticulture. Il va sans dire que, dans le plan, on allait répartir ces divers services au mieux des intérêts pratiques et des conditions de l'art. mais il importait, avant d'entrer dans le temple de la vie moderne, d'élever comme un portique à l'exposition et une noble préface, en montrant aux visiteurs par quelles transformations successives l'homme a passé depuis les temps les plus reculés dont nous ayons la conscience, et la preuve par des témoignages qu'on lui mettra sur les yeux. Il verrait comment, aux prises avec la nature, l'être humain l'a peu à peu vaincu et asservi, comment ses organes se sont affinés, son intelligence s'est développée, par quels efforts continus, quel travail incessant, quelle observation aiguë, constante, s'élevant chaque jour plus haut et se perfectionnant sans cesse, il a pu passer de l'état primitif à l'état actuel. Cette section prendra le nom d'Histoire du travail, ou, pour parler plus conformément au programme, Exposition rétrospective du travail et des sciences anthropologiques. Cette démonstration des progrès successifs réalisés peu à peu se fera d'elle-même par les objets et les choses. L'astronomie, par exemple, nous montrera le télescope de Galilée, qu'on pourra opposer au plus prodigieux des télescopes modernes, et la mécanique opposera à l'original de la première machine à vapeur de Stephenson au South Kensington, ou, au moins à son modèle, la dernière locomotive des Cale et des Schneider. Cette section, très intéressante si elle est réalisée telle que l'ont conçu les premières commissions d'études et développée depuis les sous-commissions composées des hommes les plus compétents de France, n'aura rien de vague parce qu'elle consistera en une leçon de choses. Il est question de la compléter par des conférences, faites dans quelques salles voisines de l'exposition du travail elle-même, par des conférences où des hommes distingués se donneront la mission d'évoquer cette vision de l'humanité en marche vers le progrès. Ne l'eût-on réalisé tangiblement que de 1789 à 1889, cette démonstration est une œuvre louable et digne de la France. L'exposition s'étendra sur la rive gauche de la Seine, principalement dans le Champ de Mars. Elle occupera encore les berges de la Seine, du pont d'Iéna au pont des Invalides, le quai d'Orsay et l'esplanade des Invalides. Le pont d'Iéna en fera partie et les jardins du Trocadéro ainsi que les parties disponibles du palais seront aussi utilisés. Une tradition hospitalière veut que les exposants français et étrangers admis occupent gratuitement l'espace qui leur est concédé, mais ils n'ont que l'espace et le couvert. Qu'ils soient individus ou collectivités, ils doivent se clore ou se diviser par cloisons, supporter les frais de vélum ou faux plafond, de vitrine, et se conformer pour cela à un plan général d'où résulte un effet d'ensemble et d'harmonie. Ils paieront aussi les gardiens respectifs qui ont l'entretien et la surveillance de leur quartier. Les compagnies de chemin de fer du réseau français transporteront leurs produits, sauf les objets d'art et matières précieuses soumises à un régime à part, avec un rabais de 50% sur les tarifs ordinaires. Les transports maritimes, les transatlantiques, les messageries maritimes leur font les mêmes avantages. Les locaux de l'exposition sont constitués en entrepôt réel des douanes et par conséquent, les produits ne sont pas soumis aux droits. Le même régime est appliqué aux enceintes en ce qui concerne l'octroi de Paris. Le ministre du Commerce et de l'Industrie est le commissaire général de l'exposition. Il s'appuie sur une commission consultative de 300 membres qui se subdivisent à l'infini pour connaître de chacun des groupes et dans ces groupes de chacune des spécialités. Il saute aux yeux que, pour faire une besogne utile, il faut de la suite dans l'action et par conséquent assurer la permanence du commissaire général. Si on change le ministre tous les 6 mois, comme c'est l'habitude au pays de France, on compromet l'exposition. 3 ministres se sont succédés au pouvoir depuis la période d'action, M. Locroy, M. Dautrem, M. Pierre Legrand. On doit leur rendre cette justice qu'ils se sont donnés de tout cœur à une œuvre dont ils ont compris l'importance sans seconde et non point par les à-coups successifs qu'auraient pu déterminer ces 3 reprises d'une même œuvre entraver sa réalisation. La gestion financière de l'exposition incombe à la commission des 43, qui représente les 43 millions. 3 directeurs généraux ont été chargés du pouvoir exécutif. L'architecte et ingénieur pour les plans et travaux avec le titre de directeur général des travaux. L'économiste et organisateur chargé de l'exploitation, directeur général de l'exploitation. Le financier, homme de chiffres, qui contrôle, surveille et répartit, directeur général des services financiers. À Paris, le directeur de l'exploitation traite directement avec les représentants des groupes, leurs syndics et délégués. Pour toute la France, c'est le préfet qui, dans chaque département, a la responsabilité des comités départementaux. Pour l'étranger, le commissaire général est en rapport direct avec le directeur de l'exploitation et pour les nations qui n'ont pas cru devoir figurer officiellement à l'exposition, les chambres des commerces des divers pays forment les commissions dont les délégués sans caractère officiel mais avec tout autant d'autorité puisqu'elles émanent du suffrage de leurs nationaux s'entendent avec le directeur. L'exposition ouvrira le 5 mai 1889. Elle sera close le 31 octobre suivant. Fin de la section 101, lue par Sophie France à Veules-les-Roses en janvier 2025.